La frappe, la frappe, hein. Aïe, aïe, aïe. Là, t'as la cité d'Orgemont, qui est plus connue pour du trafic de stupéfiants, de type héroïne, on va dire. Comment reviser le tatou? Comment reviser le tatou? Comment reviser le tatou? Peu froid. Comment reviser le tatou? On pense à l'avenir, on pense à faire ses thunes. Je lève de tes coques comme petit enfant, ça s'éduque. Tu fumes le BNF, tu dis que la baby paye plus. S'il y a plus de BNF, t'as mal que baby baisse plus. Refuser un tête, c'est comme refuser un grec. Refuser un chèque, c'est comme refuser une schneck. La vie m'a validé, ça l'est la mentalité. J'extermine ton rappeur, mais je protège l'humanité. Oui, la vie est belle comme un moment épanoui. C'est quand je vide la taille que je viens épanoui. Moi, je suis sur les champs, Clio 3 épanoué. Je suis foncé, je bois du 3 rivières sur un canoë. Je pèse le game et je brûle des calories. Je crache en tête, je chape dans la main qui m'a nourri. Trop de principes, c'est ça qui nous valorise. J'ai la même équipe depuis Baggy Game Recolori. Ma famille, je l'aime, je la protège chez moi, l'aîné. Si t'es belle et discrète, je viendrai mettre les nez. J'ai les épaules larges, j'ai bien été allaité. Viens pas quand ça marche, dans le trou, t'as pas aidé. Parlez dans mon dos, j'ai besoin de SNS. Tu fais pas de photos, petit mounir n'est pas célèbre. 1000 ventes, tu vendras plus, même si tu fais de moi planète rap, mais comme ça c'est net. Dans ma tête, c'est l'estate, dans mon check, c'est chica. Pour l'instant, je prie ça et je mange les miettes. Petit polo cos là, ta main ne la pose pas. Frérot, j'écharpe d'osma, je shoot ces mecs. Je shoot ces mecs. Là, je suis dans mon tel, je rêve d'avenue montaine. Faire des liens sans compter, peu frater mal à des quennes. Toi t'as pris des ailes, en plus tu dois de l'oseille. À la base on était zen, mais pour de l'oseille, dis-moi comment, comment. Des grammes de sel, quand y'a de l'oseille, bah on prend des ailes. J'te lâche mes pites si tu lâches des pics. Mange un grec si y'a les cups, deviens athlétique. La rue sélectionne, j'suis dans l'équipe. Le 9-3 t'attèche comme une pute, c'est triste. J'reste le même sous alcool fort. T'es bonne, on te fait le boule comme une Ford Escort. J'arrive en paire de requins dans ce monde de Nemo. Codé inné comme un chica. Rappeur sur billet de 50, t'as pas la Nemo. Mais dans tes clips, t'as du cheka. Ils te parlent de pesos, dollars, dinars, me art, bécane, c'est clochard. Ils traînent pas dans leur cité. Merci aux frères qui soutiennent. Validé mais pas la bouche pleine. HLF a grandi dans petit HLM. Balance devant le PJ, transpire comme Mohammed. Bloc de te chic, offrir sous la semelle. Tu vas fumer la puff, ouais, toute la semaine. Qu'on faut pas assez robe fragile, ses ML. Je tue ma main folie, je fais un crime passionnel. Peufra. Là, je suis dans mon tel. Je rêve d'avenue montaine. Faire des liens sans compter. Peufra, t'es malade des gaines. Toi, t'as pris des ailes. En plus, tu dois de l'oseille. À la base, on était zen, mais pour de l'oseille, dis-moi comment.